4:22, activation, dictation. Listen to Mireille and her sister Marie-Laure trying to decide which pastry to choose and complete the following text. You will hear the passage twice. Qu'est-ce que tu préfères, le chou à la crème ou l'éclair? L'éclair. J'adore les éclairs. Qu'est-ce que tu préfères, le chou à la crème ou l'éclair? L'éclair. J'adore les éclairs.